Bonjour, je m'appelle Lara Stock, je suis autrichienne. J'ai commencé à défendre les droits de l'homme à l'âge de 12 ans et il y avait un moment principal où j'ai commencé à défendre les droits de l'homme et c'était quand j'étais dans un musée de torture avec mes parents en Autriche où j'ai pour la première fois rencontré Amnesty International et des gens de Amnesty International. Et c'était là quand j'ai commencé à faire partir d'Amnesty International et de commencer de défendre les droits de l'homme, particulièrement avec les lettres d'Amnesty International. J'ai souvent sous-signé les lettres, j'ai souvent essayé de parler aux gens. De ma classe, par exemple, à l'âge de 12 ans, 13 ans, c'était toujours avec mes amis en classe. Quand j'ai commencé à de parler des sujets des droits de l'homme et de m'en occuper de ça. Ensuite, quand j'étais à l'internat en Bosnie-Herzégovine, au United World College, s'appelait comme ça, à l'âge de 16 ans jusqu'à 18 ans. J'étais la présidente du club Amnesty International là-bas. Et mon but principal, c'était toujours de motiver autres gens, de s'occuper des droits de l'homme aussi, et de se rendre compte que même si quelqu'un lui-même habite dans un pays qui semble d'être très, très très très fort en ce qui concerne les droits de l'homme. Il y a toujours des gens qui ont besoin de vous, de nous, et quelqu'un qui aide à défendre leurs droits de l'homme. Alors même si personnellement on n'est pas touché par une menace de droits de l'homme, il y a beaucoup d'autres gens qui le sont. Et là, il faut se rendre compte. Et là, c'était ce que je faisais à l'internat.